Togo, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 12 avril 2019. Voici les grands titres de cette édition. Quatre personnes ont été blessées la nuit de mercredi à jeudi à coups de machette dans les quartiers 3, 4 et 5. Nous sommes dans la zone Ngagara, mairie de Bujumbura. Alors que les habitants de ces quartiers disent que ces malfaiteurs ont même volé de l'argent aux victimes, le porte-parole du ministère de la Sécurité déclare qu'il n'y a pas eu de vol à main armée et qu'il s'est agi d'un accrochage entre un chef de ménage et des jeunes du quartier 5. Et les activités ont été paralysées ce vendredi à l'école fondamentale de Ninga, en commune Guianga de la province de Rubanza. À l'origine, l'arrestation de deux enseignants ce vendredi matin, accusés d'avoir sérieusement tabassé une écolière de la 4e année. Et puis, la Cannes 2019 qui se joue en Égypte à partir du 21 juin prochain. Le Burundi se retrouve dans le 4e groupe avec le Zimbabwe, la Namibie, la Guinée-Bissau, la Tanzanie et l'Angola. Le tirage au sort a lieu ce vendredi à 20h. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, voici le développement de ces titres. Les activités ont été paralysées ce vendredi à l'école fondamentale de Ninga, en commune Guianga de la province Bubanza. À l'origine, l'arrestation de deux enseignants ce vendredi matin. Ils ont été accusés d'avoir sérieusement tabassé une écolière de la 4e année. L'un de ces enseignants est également accusé de tentative de viol de la même écolière. Ces enseignants rejettent en bloc toutes ces accusations, mais reconnaissent avoir légèrement battu cet élève pour les fautes commises. Et 90% des usines à café de la province d'Ngozi sont fonctionnelles depuis le mois de mars. C'est une confirmation faite par le président de la Fédération des caféiculteurs de cette province du nord du pays. Et cela étant, certains des caféiculteurs s'indignent que les prix fixés par le gouvernement sont violés au grand jour. Évariste Nzikobanyanga, c'est l'envoyé spécial de la rédaction à Kayanza. Les caféiculteurs d'Ngozi disent être contents du lancement de la campagne café 2019-2020, mais ils indiquent qu'ils font face aux difficultés énormes. Le café qu'ils devraient vendre aux usines les plus proches, mais qui reste fermé, est acheté par les usines qui viennent de loin et ces dernières spéculent sur les prix. Nikoumana Delin, de la colline Gitkwa, commune Mumba, on l'a trouvé en train de faire la cueillette. Ce dernier a indiqué que suite à la non-ouverture de l'usine de la Sogestan de la place, deux usines lointaines de Gachikanoa et Nzove viennent s'approvisionner, tantôt à un prix de 250 francs le kilo, surtout pour le café de couleur jaune que les propriétaires des usines Grinko et Bougestal mettent dans la catégorie B. Disent ces caféculteurs d'Ngozi et ses environs. Ces caféculteurs d'Ngozi évoquent également le fait qu'ils ne perçoivent pas les avancées comme annoncées par le gouvernement lors du lancement de la campagne. Ils devraient payer ceux qui sont en train d'aider pour que cette campagne puisse se dérouler normalement, mais en vain. Au niveau de la Fédération des caféculteurs d'Ngozi, l'on indique être au courant des plaintes des caféculteurs et l'on confirme même les faits. Lambert Nunzubung, qui préside la Fédération, Horirangukize confirme les spéculations dans l'achat du café cerisé. Les usines ne sont pas en train de donner des avances aux caféculteurs. Ils demandent donc à l'autorité publique de s'impliquer davantage pour que la campagne en cours ne soit pas entachée d'irrégularité. L'effectif des usines qui n'ont pas rouvert leurs portes ne sont pas connus, mais le président de la Fédération Horirangukize indique que 90% sont fonctionnels sur 52 que compte Ngozi, celle de Sogestal qui ont connu des problèmes liés au paiement l'année dernière reste fermée. Ngozi, Evariste Ndikobanyanga, Radio Isanganiro. Merci Evariste. Les défenseurs des droits des enfants de la zone Buterere au nord de la capitale économique Bujumbura demandent que le dépotoir de cette zone soit clôturé. Ils ont exprimé ce souhait ce jeudi après une descente du ministre de la Personne humaine et du genre sur ce dépotoir. Martin Liviavandi a précisé que cet espace va bientôt être sécurisé par les agents de sécurité pour empêcher aux enfants d'y accéder. On fait le point avec Moïse Misago. Après cette descente et la réunion avec les intervenants dans la défense des droits des enfants, les administratifs et les forces de sécurité, les défenseurs des droits des enfants demandent que ce dépotoir soit clôturé pour éviter que les gens y entrent pour ramasser les restes de nourriture. Dans le média, il faut qu'on empêche les gens pour aller ramasser dada et chercher comment on peut diminuer ces ordures qui se trouvent même éparpillées dans le riz. Ça peut être une solution dans le média. Le ministre de la Personne humaine et du genre indique que cette question est complexe. Toutefois, Martin Ndiabandi constate l'impératif de clôturer cet espace et d'ajouter que le CTMU devrait protéger cet endroit. Il précise en outre que ce dépotoir va être sécurisé. C'est une question fondamentale et on s'est décidé que nous allons travailler ensemble avec les différentes institutions qui sont concernées, en l'occurrence la CTMU, la mairie de Bujumbura, le ministre de l'Environnement, pour voir quelles sont les mesures les plus urgentes à prendre. Et il peut s'agir d'une clôture de cette place aussi et d'un déménagement dans un autre endroit. Et le nombre des victimes du choléra est très impressionnant et ça ne peut que se comprendre puisque c'est un environnement qui est insalubre. Et des engagements ont été pris. Et l'administration, les agents de notre ministère, nous allons nous mettre ensemble pour dégager les stratégies qui va permettre à ce que nous puissions atteindre des résultats escomptés. Le ministre de la Personne humaine et du genre, Martin Ndiabandi, renseigne également que les membres des familles qui ramassent les restes de nourriture dans ce dépotoir vont bientôt être répertoriés pour être assistés. Merci Moïse. Et certains hommes du quartier Bubanza de la zone Kinama, mairie de Bujumbura, disent être satisfaits du fait qu'il y a actuellement des femmes entrepreneurs dans cet endroit. Ils affirment qu'elles peuvent même donner de l'emploi à d'autres femmes. Néanmoins, ces hommes suggèrent qu'il serait mieux que ces femmes n'ignorent pas leurs responsabilités familiales. Reportage signé Vestine Votoy. Un de ces hommes dit qu'il apprécie le fait qu'il y a des femmes qui entreprennent des activités génératrices de revenus pour le développement familial. Vraiment, c'est bien qu'une femme s'autodéveloppe, mais tout en sachant que c'est pour le compte familial. Quand tous les conjoints travaillent pour faire avancer les familles, le niveau de développement s'élève. Et notre précise qu'en plus du développement familial, les autres personnes peuvent bénéficier du travail grâce à l'initiative de ces femmes. Nous pouvons obtenir de l'emploi grâce à ces femmes entrepreneurs. Par exemple, quand ces femmes se mettent en association pour enfin s'acheter des machines décortiqueuses du riz, d'autres personnes peuvent en profiter pour gagner de quoi nourrir leur famille. Néanmoins, ces femmes entrepreneurs devraient prendre conscience de leur responsabilité familiale en premier lieu, poursuit-il. Il y a des femmes entrepreneurs qui veulent être à la hauteur de leur mari, mais la meilleure chose serait que le développement résultant de ces activités entretienne des bonnes relations familiales. Cependant, une des femmes entrepreneurs de la zone Kinama affirme qu'elle associe ses activités avec les tâches ménagères, mais en s'entraidant avec son mari. Oui, dans notre famille, nous n'oublions pas nos tâches, mais ce n'est pas une femme seule qui est tenue à tout faire dans la famille. Même nos maris nous aident dans certaines choses. Sinon, nous nous serions exaltés comme si c'est nous qui travaillons seuls, alors que nous avons nos époux qui nous soutiennent. De plus, nous ne pouvons pas bien le faire sans le consentement de nos maris. Au moment où ces hommes appellent ses confrères à soutenir leurs femmes dans l'exercice de leurs activités et qu'en retour, celles-ci doivent prioriser le bien-être familial, Janena Kiteletse, chef de zone Kinama, fait savoir que dans sa zone, aucun cas de conflit familial sous prétexte d'une femme entrepreneur qui aurait ignoré le bien-être familial ne s'est pas encore présenté. Merci Vestine. 48 jeunes filles et garçons composés des ex-enfants de la rue, ceux qui ont abandonné l'école et autres vulnérables, reçoivent des kits de réinsertion socio-professionnelle leur permettant de se prendre en charge avec leur famille. Et c'est après une formation de 6 mois en différents métiers, dont la mécanique automobile, la menuiserie, la couture et d'autres métiers. Une formation dispensée par l'ONG OIDEB avec l'appui financier de l'UNICEF. Le représentant de l'OIDEB Ngozi compte continuer cette bienfaisance une fois les moyens disponibles car les effectifs de demandeurs ne cessent d'augmenter comme le rapporte notre correspondant Apollinaire Mouzagara. Ces 30 jeunes garçons et 18 filles sont ceux qui présentaient une certaine vulnérabilité, dont des ex-enfants de la rue, ceux qui n'ont pas eu la chance d'affronter l'enseignement post-fondamental, des orphelins et autres. Ils venaient de passer 6 mois de formation en mécanique automobile, menuiserie, savonnerie, soudure et couture. Ils reçoivent donc pour le moment des kits de réinsertion socio-professionnelle, chacun dans son secteur de formation. Félix Ndaï Gaya, représentant provincial de l'Association des droits des enfants, OIDEB, indique que cette dernière a loué pour 3 mois des maisons où ces jeunes qui travaillent en groupement installent cet équipement, quitte à s'auto-prendre en charge après saut d'aile. À la question de savoir si de telles formations vont continuer vu les effectifs de tels jeunes nécessiteux dans cette province, le représentant de l'OIDEB Angozi indique qu'il a déjà introduit la demande auprès des bailleurs, donc qu'il compte poursuivre ces formations si ses bienfaiteurs répondent favorablement. Plus d'une centaine d'autres jeunes demandeurs de telles formations ont déjà approché l'OIDEB Angozi. Après cette première promotion, indique Félix Sindai Gai d'Ongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Également dans l'actualité, la couverture sanitaire universelle est un pari qui pourra être gagné d'ici 2030 au regard de la volonté des partenaires dans le secteur de la santé, selon la politique de l'Organisation mondiale de la santé. Dr Isaac Minani, directeur général au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, précise également que le Burundi évolue positivement avec la politique gouvernementale de la gratuité des soins. C'est en substance ce que l'on retient de sa déclaration ce vendredi lors d'un café de presse organisé conjointement par le ministère de la Santé et l'OMS à l'occasion de la Journée mondiale de la santé édition 2019, une journée qui se célèbre habituellement le 7 avril de chaque année. Il est 13h10 à Bujumbura. Vous êtes branchés sur Isanganiro. Il s'observe des nids de poules dans différentes routes du centre-ville de Bujumbura, la capitale économique. Les conducteurs de véhicules et les personnes exerçant leurs activités tout près de ces nids de poules, visités par nos reporters l'avant-midi de ce vendredi, affirment que cette situation cause des accidents et endommage leurs véhicules. Ils demandent que ces routes soient réhabilitées. C'est un reportage d'Eli Nibel Nibigira qui a fait le tour dans ces routes. Au boulevard du Peuple Mundi, en face de l'hôtel Votafront, anciennement appelé Novotel, s'observent des nids de poules qui, visiblement, ne facilitent pas la circulation des véhicules. Ces nids de poules sont également autour du rond-point, se trouvant en face de la place de l'Indépendance, où s'observent même des fissures qui s'éclatent à petit feu. Sur l'intersection de route se trouvant devant le Palais des Arts, la situation est la même. S'observent également des nids de poules sur la route menant vers la cathédrale Jean Mundi, tout près du siège de la banque BCB. Un des conducteurs de véhicules rencontrés affirment que ces nids de poules constituent un problème et qu'ils les ont assistés grandir. Ce nid de poules était au départ très petit, mais plus la circulation des véhicules augmente, plus il s'agrandit. Maintenant, il est devenu vaste. Lorsqu'il pleut ou pas, les véhicules essaient de contourner et percutent nos voitures. Il y a des graviers qu'on apporte parfois pour boucher. Quand les eaux y stagnent, moindre erreur, si l'on passe sur ces graviers non entassés, ils endommagent nos carters et cela revient à nous de faire réparer la voiture. Sur les parkings de bus de transport en commun, des nids de poules y sont éparpillés et même sur la route devant la banque BNDE et l'endroit où se croisent les bus de transport du sud de la capitale, connaît de vastes nids de poules également gênants pour les chauffeurs. Une personne qui exerce ses activités aux environs de son nid de poules témoigne que son nid de poules a été bouché dans le passé mais en vain. Ici, on bouche parfois mais revient à l'état initial quelques jours après suite à la grande circulation de véhicules. Ils se croisent et bloquent la circulation. Il y a un nid de poules. Ils se croisent les voitures provenant de différentes directions, ici et là. Ces conducteurs de véhicules et les personnes exerçant leurs activités autour de ces routes contenant de nids de poules où stagnent parfois des eaux de pluie demandent la réhabilitation de ces routes. Eline Bell Nibigira, je vous l'avais dit dans les titres, 4 personnes ont été blessées la nuit de mercredi à jeudi à coups de machette et 3 autres tabassées par des malfaiteurs. Au quartier 3, 4 et 5 de la zone Ngagara, certaines victimes affirment avoir également subi un vol d'argent dans le même coup. Les habitants de ces quartiers réclament plus de sécurité. Ornella Mucho. En Gagar, quartier 3, tout près de la station, deux personnes ont été tabassées à coups de machette et l'un d'entre eux est bandé sur le long du visage, comme le dit les témoins sur place. En Gagar, quartier 4, sur le goudron de la chaussée de Monseigneur Bouchonyori, un des victimes fait savoir qu'à part d'être tabassé, les malfaiteurs ont pris tout son argent. Durant cette même nuit, en Gagar, quartier 5, sur l'avenue Muninga, des autres personnes ont été gravement blessées par coups de machette et sont actuellement hospitalisés. Et des autres dans ce même quartier ont été battus par ce même groupe non encore identifié. Ces gens rencontrés sur place demandent aux administratifs et aux forces de l'ordre d'assurer la sécurité dans cette zone. Et il faut savoir qu'il y a à peu près 2 mois que ces cas de banditisme s'observent dans certains quartiers de la zone Ngagara. Merci Ornella. Et le porte-parole du ministère de la Sécurité publique nie qu'il n'y a pas eu vol à main armée. Pierre Mouriquier parle plutôt d'un accrochage entre un chef de ménage et un groupe de jeunes, tous habitant le quartier 5 de la zone Ngagara. Suivez Pierre Mouriquier. Il n'y a pas eu vol à main armée par des criminels avec des machettes à Ngagara. C'était dans la nuit, c'est à Mairie de Bujumbura, à Ngagara, dans le quartier 5. Un chef de ménage est rentré chez lui dans la nuit avec ses enfants à bord d'un véhicule. Arrivé tout près de sa maison, il a rencontré un groupe de jeunes qui prenaient de l'air et le groupe lui aurait refusé pendant un moment le passage. Il s'est énervé. Dès que le groupe lui a laissé le passage, il a voulu faire marche en arrière pour pouvoir les écraser. Il est rentré chez lui à la maison, il a déposé les enfants et il est revenu avec une barre métallique et pour pouvoir les battre. Alors les jeunes, eux aussi, ont pris une machette d'un veilleur qui se trouvait à côté et ils se sont battus alors avec le chef du ménage et ils lui ont blessé. Maintenant alors, la police recherche les auteurs de ces faits pour qu'elle puisse faire un dossier qui va être transféré à la justice. Mais vous entendez que c'est plutôt le chef de ménage qui a prémédité l'acte et donc il est venu avec une barre métallique pour pouvoir en découdre définitivement avec ce groupe de jeunes qui traînaient de l'air. Pierre Mouriquier, c'est le porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Les femmes devraient être conscientes que personne ne pourra leur servir des postes comme sur un plateau d'or dans les instances de prise de décision sans considérer leur participation militante dans les partis politiques. Dans un atelier de sensibilisation et identification des priorités pour leur meilleure participation aux instances de prise de décision organisées ce jeudi, les femmes leaders ont suggéré à leurs consoeurs de se soutenir massivement au sein de leur formation politique pour gagner des postes électifs. Les détails avec Mireille Naomi Nitegeka. Dans un atelier de voir les priorités pour que les femmes occupent des instances de prise de décision, les femmes présentes ont constaté qu'elles ont perdu les 30% que prévoit la Constitution. Aujourd'hui, ils sont à la moyenne de 18% dans les secteurs privés et public. Alice Nzomukunda, présidente du parti APDR, qui était présente dans cet atelier, a appelé les femmes de s'aimer et se soutenir mutuellement. Être souvent seule, elle ne veut pas renvoyer l'ascenseur pour faire monter l'autre. Évitons l'égoïsme. Deuxièmement, corriger ses erreurs et à surmonter ses défis. Parce que si une femme est démise de ses fonctions, toujours les hommes commencent, faisons attention et qu'on amène pas une incapable pour la remplacer, mais on n'a jamais entendu l'homme traité d'incapable. Pour l'honorable Vestine Mbundagu, toutes les instances sont élues à travers les partis politiques. Alors, les femmes doivent participer dans les partis politiques massivement. Si on observe les associations que nous avons ainsi que les réseaux et les coalitions, on ne devrait pas avoir ce problème. Vous voyez, les actions se passent à travers les partis politiques. Toutes les institutions, je dirais même les institutions techniques, se passent dans les partis politiques. Les DCE et les DPAE passent à travers les partis politiques. Les membres des associations qui se présentent tous les jours dans les réunions comme ceci, alors que ces militantes des partis politiques partent faire le plaidoyer devant le président du parti politique, alors qu'elles ne prennent pas leurs propres responsabilités, je dirais à ces femmes qui occupent une place et ne se lèvent montrer qu'elles ont la parole dans le... Tous ceux qui ont pris la parole ont demandé que les femmes ne restent que dans les plaidoyers seulement, mais à travers une éducation, forment les générations montantes à connaître leurs droits. Mireille Naomi Nitegeka. Et pour boucler ce journal, le tirage au sort pour les pays qui disputeront la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est prévu ce vendredi à 20h. Les 24 pays qui ont validé leur billet de participation ont été classés en 4 chapeaux de 6 pays chacun. Le Burundi se retrouve dans le 4e chapeau regroupant le Zimbabwe, la Namibie, la Guinée-Bissau, la Tanzanie et l'Angola. L'Égypte, pays qui accueillera la compétition, est classée dans le 1er chapeau dans lequel on retrouve le Cameroun, le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria et le Maroc. Les matchs de cette phase finale de la Coupe d'Afrique se dérouleront en Égypte du 21 juin au 19 juillet 2019. Il est 13h18 à Bujumbura. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. J'ai bénéficié de la complicité technique de Eli Kadogo. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Un bon après-midi.